est superbe cette chanson. Franchement, oui, c'est un plaisir pour les oreilles. Oh là, oui. Et on chantonnait dans le studio. Non, c'est sympathique. J'ai les poils qui ont poussé. Ah, voilà, t'es devenu un homme, ça y est. Il était temps que tu mues, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il va avoir salut, une... c'est moi, 20-20. Bientôt, il va avoir une voix d'homme. Ouais, c'est moi. Bon, après l'opération, oui. Ouais. On n'attendra plus. Pas encore. C'est trop cher. On va plus entendre. Non, après, ça sera bonjour, c'est moi, 20-20. Ah, ça va faire bizarre. Vous remarquerez, chers auditeurs, comment se moque le chef de moi, hein. On n'oserait pas, tu sais bien qu'on n'aime pas faire les choses faciles. Salut les amis. Non, là, c'est ça coucou. Fait Mickey là. Ah oui, pardon. Coucou les, coucou amis. Les amis. Là, ça fait Mickey avec toute la bande à Picsou. Ouais. Bonjour les petits éléphants. Ça va, Vavin, ta petite compote? Eh, c'est alors, Mickey là. Vous verriez le truc. Attendez, je vais vous faire la photo. Bah oui. Parce que vous verriez le truc. Il y a le pépère qui est en train de manger sa petite compote là. Regardez-moi ça. Il mange sa petite compote, tranquille, en plein. C'est de la photo chef, hein. C'est lui qui nous donne des petites compotes à 16h30, là. Il faut nourrir son personnel pour qu'il soit plus performant. Il y a Anguille sous Roche. Il y a Anguille sous France Roche, ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. Il n'y a pas de roche ici avec des petits cailloux. Vavin, qu'est-ce que tu as préparé entre deux cuillères de compote? Je ne sais plus qui l'avait demandé, mais Chic, il nous a demandé Soup for One. Eh bien, écoute, on va préparer ça et après. Et après, on a Chaka Khan, I Know You. I love you. D'accord. Et avant tout, on ira du côté de Jimmy Ruffin. Oui. Avec Faux rêver. D'accord. On passera ça tout de suite après. Diana Ross, 20-20, tu peux envoyer Diana. Oh, ben allez, c'est parti. Pas la non, princesse. C'est Chic. Non, ah, tu veux envoyer Diana. Chic, premier. Pardon, Chic, excuse-moi. Oh, tu m'as fait peur. Allez, excuse. C'est parti. We'll be right back. sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Et vous êtes toujours sur Antenne 87, il est 16h40. De 14h30 à 17h, c'est Antenne Dimanche avec Loïc et son équipe sur Antenne 87. Et bien sûr, nous allons poursuivre. Alors avant toute chose, excusez-nous pour ces petites interruptions. Voilà, je crois qu'il y a un tube à l'intérieur de l'ampli qui commence à fatiguer à mon avis. Donc il a pris 2-3 coups de tatane, il est reparti. Comme en 40, à l'ancienne. Voilà, comme en Charente, exactement. La prochaine musique, c'est Jimmy Ruffin avec Forever. Eh oui, encore Forever. Une chanson écrite par les Forever. Bee Gees. Ouais, faut rêver, non, mais C'est pas moi qui l'ai dit, celle-là. Mais t'es pas obligé de le répéter non plus. Oh, bah si, c'est marrant. Non, mais il répète et c'est lui qui se fait engueuler. Ah, c'est excellent. T'as vu le truc, toi? Oh là là. Ah, donc, sorti en 1980, écrite par les Bee Gees sur l'album Sunrise. Petite question sur les Bee Gees. Oui. Ah, voilà, j'aime bien quand vous regardez avec attention. D'accord, comme ça. Non, c'est parce que t'as un gros bouton sur le nez, c'est pour ça. Non, ça s'appelle la mousse du micro. Hein? C'est pour ça que c'est rouge. On sauvera pas tout le monde. Non, le c'est mort. Ah, pas encore, ça va pas tarder. Ouais. Alors, en 2015, dans quelle ville d'Australie une statue a-t-elle été dédiée aux Bee Gees? Sydney. Moi, j'allais dire, il prend la plus grosse déjà. Oui, oui, gratos. Non. Canberra. Non. Canberra-t-on, non. Non. Bah, là où ils sont nés? Non, même pas. Pas loin. C'est Brisbane, alors. Non, à Redcliffe. Ah, je le savais. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Donc, en 2015, en 2017, Barry Gibb va être fait chevalier par la reine Elisabeth II. Ouh, quand même. Oui. Et en 2021, une nouvelle statue va être édifiée, mais cette fois sur l'île de Man. Mm-hmm. Ah, l'île de Man. Sympa l'île de Man. Très jolie. C'est sympa là-bas. Voilà pour les petites minutes culturelles sur Antenne 87, pleine de champagne. Merci bien, Jeff. Alors, on va passer. On n'a pas de message. Si, ah, bah, tu rigoles. On va les passer parce qu'il est déjà 16h42. Bah, oui, c'est ça. Il y a Kevin, j'adore votre proximité. Vous êtes avec nous dans la maison, dans la voiture, partout. C'est top. Merci, Kevin. On en prend de la place. Gina Skiller, coucou de Miquelon, Langlade, mes amis. Coucou, Gina. Coucou, ouais, Gina. Quentin, petite promenade avec mon chien et vous en fond, même si mon internet est pas top. Ah, ça arrive encore, oui, c'est vrai. Faut persister. C'est pour ça qu'on a simplifié l'appli, justement. Henri, c'est le chien qui tire qui, d'ailleurs. Henri, bon dimanche à vous. Et enfin, Julie, coucou Dominical, merci pour vos émissions qui font du bien au moral. On adore vous écouter. Merci, Julie. Avec grand plaisir. C'est vrai qu'avec les deux zozos, là, on s'ennuie pas. Tout de suite chez nous, ça y est. Non, c'est ce qu'on a fait. Moi, je suis quelqu'un de sage. Hein. Oh, ben, on se loge, on est viré mardi, donc nous, on se loge. Bah, voilà, on en profite. Allez, c'est ça. On craint plus rien maintenant. Oh là là. Allez, on va t'applaudir. Tiens. Ouais. Bravo. Le débouchoir. Ah là là, que des bêtises celui-là, je te jure. Que des bêtises. Bon, alors qu'est-ce qu'on écoute, chef? Si tu veux, on va t'applaudir. Tiens, on va t'applaudir. Voilà, bravo. Ah, Jimmy Ruffin avec Faut rêver. Voilà, Faut rêver. D'accord. Il y en a quand même un qui suit, heureusement. Oh, ouais. Heureusement. Il faudrait être bon pour ça, c'est normal. C'est pas faux. Lost in love in a world of strangers, something only quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Oui, on a tous quelque chose des années 80. C'était Jimmy Ruffin avec Forever. Ah, quelle belle chanson. On va passer à la dernière dédicace avant les deux musiques qui clôtureront cette antenne, cette émission. La prochaine dédicace. Ah ben la prochaine dédicace, c'est Chaka Khan avec I Know You, I Love You. Fais bien la mitraillette lui. Allez, c'est parti. C'est parti. Oui. I'm On y est. Ah, il est à fond. On l'a dit. Allez, vous êtes toujours sur Antenne Dimanche. L'heure de la clôture approche tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et on va terminer avec une belle petite chanson que vous allez découvrir tout de suite avec Jeff. Jive Talking en 1975, chanson qui est présente sur la bande originale du film La fièvre du samedi soir, qui sera en 1977. Il y a une version qui existe en 2021 où Barry Gibb va la chanter en duo avec, on revient au monde de la country, avec une grande dame de la New Country, Miranda Lambert. Pour le Wouzou, c'est l'ex-madame Blake Shelton. Voilà. D'accord. Tous les danseurs country connaissent bien le chanteur Blake Shelton, notamment avec sa reprise de Footloose. Ah oui. Voilà. Oui, bah oui. Alors, à l'origine, la chanson, elle s'appelait Drive Talking et s'inspirait du bruit de la voiture du groupe quand il traversait l'Interstate 195 entre la baie de Biscayne et les studios Criteria à Miami. C'est bien dit, n'est-ce pas? Toute beauté. Et lors de l'enregistrement, Barry Gibb, par inadvertance, va dire Jive Talking, ce qui deviendra le nouveau nom du titre. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Une belle anecdote toute simple. Oui, très bien. Oui. J'ai une toute petite dernière dédicace avant qu'on clôture. On t'écoute. Rémi, vous êtes toujours à fond. C'est super. Enfin, de bonnes radios, ça se fait rare. Merci Rémi. Chut, vous allez faire des jeux. Dans quelques instants, il sera pile 17h. Jive Talking. sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Et voilà, on va terminer cette émission en restant dans le thème des Bee Gees avec Tragedy, grand titre très connu des Bee Gees. Grand classique, écrite en simplement une après-midi. Alors pendant une pause, parce que les Bee Gees participaient à un film qui s'appelle Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ça me fait penser à aux Beatles. Ouais, Sgt Pepper's, c'était les Beatles. C'est normal. Ouais, c'était un film sur les Beatles. Ah, dans lequel jouaient les Bee Gees et jouaient leur propre rôle. Ben voilà, je le savais. Et la chanson a détrôné le titre de Gloria Gaynor, I Will Survive, pendant 2 semaines avant que cette chanson ne reprenne de nouveau la première place. D'accord. Ah. En 2021, il y a le groupe Foo Fighters qui va reprendre la chanson, mais en changeant le nom du groupe, ils vont prendre le pseudo de DGs. Mmh. Voilà. Et dernière petite question, tiens, sur les Bee Gees. Attends, on va le regarder. Oh, j'aime quand on me regarde comme ça. Avec l'air bête. À combien est estimé le nombre d'albums vendus en 40 ans pour les Bee Gees? 21 millions. Oh là là là là. Je dirais 30 millions. Ah bah vous pouvez en rajouter. Hein. 150 millions. 220 millions d'albums vendus en 40 ans. Ah, c'est ce qu'on a dit? Ouais, à 1 million près. Ouais, 1 million près. Oh là là, la mauvaise foi. Ah ben on la cultive. C'est vrai que c'est 220 énorme. Millions d'albums en 40 ans. Oh là là, c'est énorme. Attention messieurs dames, top horaire. Il est 17h. 17h. Et pour clore cette émission, comme j'ai annoncé, Tragedy, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Vous les connaissez, je n'ai plus à les citer. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages. Et bon dimanche à tous. Et bon dimanche à tous. veux tout savoir de toi, ce que tu fais, qui t'y voit. Je sais bien que je ne devrais pas. Il ne tient qu'à moi, c'est vrai, de ne plus te questionner. Mais ce n'est pas si facile, tu sais. Oh, toi, je t'aime trop, ça me peut. Oh, toi, je t'aime trop, moi, tu m'aimes. Je t'aime un peu trop, et si mal, mais si fort, me douter mal. Antenne 87, votre radio locale.

Antenne 87, votre radio locale. burning in the heart of me, burning in the heart of me, burn it now. Burn, burn, burn it. Burn, burn, burn it. Can't you see that I'm burn, burn, burn it. There's a Dixie fire. Burn, burn, burn it. Don't you know that I'm burn, burn, burn it. Burn, burn, burn it. Écoutez Antenne 87, votre radio locale. Go! Antenne 87, votre radio locale. Diese Zeit Tränen ist mein Gesicht. Radio. Get up. Let your body move. Get up. Let's get dancing. Get up. Let your body move. Get up. Let's get dancing. Antenne 87, votre radio locale. Oh, baby. 87 vous accompagne où que vous soyez. Retrouvez nos programmes, nos sélections musicales et toute votre ambiance sonore préférée dans une seule appli. C'est simple, allez dans Google Play et téléchargez l'application Antenne 87. Emportez votre radio partout avec vous. Comme d'habitude. Où elle chantait tous les soirs au bar cocktail. Bon Dieu, c'est cruel de chanter nu à Bruxelles, de faire la bête quand le public bat des ailes. Baby en dentelle n'avait pas sa voix pour elle professionnelle. Elle tirait toutes les ficelles. Demoiselle, avant de rentrer seule chez elle, chantait My Way, comme d'habitude en rappel. Elle chantait my way en anglais. Elle chantait my way en français, comme d'habitude, comme d'habitude. Baby la bluebelle chantait pas d'une voix de miel, s'appelait Marcel, sans doute avec un seul aile. Demoiselle, avant de rentrer seule chez elle, chantait My Way, comme d'habitude en rappel. Elle chantait my way en anglais. Elle chantait my way en français, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Antenne 87, votre radio locale. Le journal télévisé pour voir des

Écoutez-nous et faites la différence. Dans quelques instants, il sera pile 18h. L'émission de la soirée commence. Merci de votre fidélité à Antenne 87. Bienvenue dans l'antre du rythme. Poursuite de l'hommage à TJ Conway dans Argent Jazz 5 Soul. Avec double exposure, 10 PSN sur 7 Soul Records. Arrangé, produit par Norman Harris, écrit par Lane Felder et justement TJ Conway. CBB Edit. Nous vous souhaitons un excellent programme. It's Carol Williams, and you're listening to Groovy Sound with Captain Boogie Bob. choice of 70s and 80s, jazz, funk, and soul classic. Your favorite music. With the captain, Butch Bob. Who needs a love like that? No one you know, and that's a fact, yeah, that's a that. We need the love like that. C'est Disco Boogie en 1982. 1973. C'est Claude François, dis-lui pour moi, Brother Louis, en 1973, le 20 février exactement, adapté par Michel Vendôme, écrit par Tony Wilson et Earl Brown, du groupe Hot Chocolate, CBB Edit. Où trouver le courage de lui dire c'est fini, ses pleurs, ses rires, sa forme des armes, c'est à croire qu'elle m'a compris. Car elle s'accroche aux souvenirs d'un temps perdu. Parfois je voudrais crier au secours, même au premier passant venu. Dis-lui, dis-lui, dis-lui pour moi. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Sound. Sur ta radio, jazz, funk, soul et rare grooves avec Bob Shearer. I take